Fin d'été, j'ai croisé une fleur en partance qui poussait vers la vie. Elle était maquillée du pollen de l'enfance, les pétales endormis. Fin d'été, j'ai trouvé un cœur en pénitence qui rêvait à l'envi. D'enfin se déployer, sortir de la souffrance, du dédale de l'ennui. Cette fleur fin d'été, de sa belle fragrance, a parfumé ma vie. Pas question de faner ce petit brin de chance, raison de ma survie. Cet automne, j'ai chanté, composé les romances au gré de ses envies. Elle s'est mise à pousser de ses efflorescences, le bonheur a suivi. Un automne parsemé de petits cailloux blancs sur le chemin de la vie. Où nous aimons flâner au détour d'un banc, poser nos mélodies. Cet automne j'ai rêvé à de longues vacances au pistil de sa vie. Pas question d'assécher la fontaine de jouvence, d'où file notre eau de vie. Cet hiver j'ai logé au fond de ma mémoire le sourire de mamie. Pris le soin d'y noter comme dans un vieux grimoire le secret de l'alchimie. Un hiver à l'instar d'une plaque de marbre où sont gravées nos vies. Au dos de ma guitare comme sur le tronc d'un arbre nos prénoms sont écrits. Tout l'hiver j'ai pensé que j'avais de la chance, qu'elle était si jolie. Si souvent j'ai crié la nuit dans son silence, je t'aime à la folie. Au printemps j'ai semé des graines d'abondance au verger de nos vies. Rapidement ont germé des milliers d'évidences qui donneront de beaux fruits. Ce printemps j'ai cerclé son doigt d'une alliance, j'avais bien réfléchi. Oser lui demander, c'était de circonstance, me veux-tu comme mari? Pas attendu longtemps, sa réponse diaphane m'en suis presque évanoui. L'air en blasse au printemps de cette ville catalane furent l'écho d'un oui.